Cette semaine, plus précisément ce jeudi 22 septembre à 14h21, ce sera le début de l'automne, cette merveilleuse saison où tout devient plus sombre et plus longtemps, où plusieurs formes de vie extérieure telles que les végétaux meurent ou tombent en état de dormance, laissant croire qu'ils ne sont plus. La saison où plusieurs espèces animalières entreprendront un cloître hivernal et où une hibernation. Cet automne qui accueille aussi peu à peu le froid et les pluies, donnant l'impression de vivre à Londres. Mais surtout la saison où il cesse de faire toujours trop chaud et pendant laquelle la nuit dure plus longtemps et qui me permet de faire mes emplettes sans me presser. Quoique les cimetières n'ont pas vraiment d'horaire. Mais beaucoup d'horreur. Eh bien, voici l'édition qui accueille ce précieux automne avec tous ses aspects morbides qui, pour moi, sont si joyeux. Voici Réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin, surtout lorsque vous lui demanderez quel pourrait être le remède à la déprime automnale et qu'il répondra que de vous voir dans cet état le rempli d'allégresse. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. Cause fear is my fucking business. We are Undead Incorporated, cause I, Pendragon, said so back in 86.

c'est le 89.9. C'est fou, 89.9. Compte à rebours est une émission dédiée aux contes et aux nouvelles d'ici et d'ailleurs. Tous les mercredis matins à 10h, j'aurai le plaisir de vous lire des histoires qui nous replongeront dans l'ancien temps. Vous aurez également l'occasion de taper du pied en écoutant de la musique traditionnelle. Je vous donne rendez-vous mercredi matin à 10h pour un voyage folklorique sur les ondes de votre radio étudiante. Connaissez-vous l'histoire du comte Dracula? Le vendredi à 11h, entrez dans la dimension rock classique. En compagnie d'Alain Lefebvre et du Dr. Pendragon, redécouvrez les racines du rock avec les artistes qui l'ont inventé. De AC/DC à ZZ Top, en passant par les Beatles, les Doors, Deep Purple, Gentle Giant, Iron Maiden, Led Zeppelin et Motorhead, ils sont tous à rock classique. Rock classique pour les vrais amateurs de vrai rock, tous les vendredis de 11h à 17h. Vous êtes assez tard pour l'écouter. 89.9. Je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle édition de réanimation en ce 20 septembre de l'an de disgrâce 2016. Je suis I am Dr. Payne Pendragon et je vous accompagnerai métalliquement jusqu'à 21h. Comme premier bloc de cette édition, nous avons entendu un micro spécial de 1986. J'ai dit micro, il était tout de même plus de 20 minutes. Qui se déconstituait comme ceci. Dark Angel avant la pause publicitaire et l'excellente Hunger of the Undead, ce que je connais bien d'ailleurs dans mon laboratoire, et j'en connais pas beaucoup de mes zombies qui sont de bonne humeur. Je me demande bien pourquoi d'ailleurs. C'est tiré du très bon album de 86, bien entendu, Darkness Descends, qui est apparu sur Combat à cette époque, qui fait office, en date d'aujourd'hui, encore une fois, d'un de mes albums métal préférés. Juste avant, nous avions Slayer. Ai-je besoin de les présenter? Oui, c'était Slayer. Et la pièce, ben en fait, deux pièces, Postmortem, qui s'emboîte avec Raining Blood, qui clôt cet album, Raining Blood, qui est paru en 1986, qui est aussi un de mes albums métal préférés. Et je crois qu'il est pour plusieurs dizaines de milliers, ce n'est pas centaines de milliers de fans de métal. C'était apparu sur Def Jam. Creator, une excellente pièce tirée de Pleasure to Kill, Riot of Violence, paru en 1986, pardon, sur Noise. Et lui aussi fait partie d'un de mes albums préférés de métal. C'est drôle, comme l'année 86 était une année qui a eu des choses fort intéressantes, en fait, en ce qui me concerne. Et on est ouvert avec Nuclear Assault et la pièce, en fait, c'est l'introduction, Live, Suffer, Die, c'était enchaîné avec la pièce Sin, qui est tirée de Game Over. Game Over, c'était leur premier album complet studio, qui, ma foi, a été à l'époque accueilli d'une façon, je dirais, assez joyeuse. Un album qui, je dirais, chevauchait le trash. Il amenait un petit aspect crossover qui, à l'époque, était... c'était en pleine effervescence. Ça a duré relativement peu de temps, le crossover, dans sa forme des années 80, mais ça a été très populaire. Et je dois dire que Nuclear Assault et Game Over fait partie des albums que j'aime beaucoup aussi de cette année-là et en général de ma discographie de Polka. Voilà. Cette semaine, j'ai quelques nouveaux trucs pour vous. J'ai aussi des choses qui ont été, je dirais, peut-être non pas recommandées, mais qui m'ont été inspirées de par notre ami DJ Tower of Death lors d'une de ses émissions. Je parle entre autres d'un one-man band qui est montréalais, qui porte le nom de Solid Silver, que j'aurais aimé vous présenter lors de la dernière émission de réanimation en mai dernier. On avait eu des graves problèmes techniques ici qui m'avaient empêché de pouvoir faire cette programmation dite prévue. Donc, on va se rattraper avec ça. Mais à l'instant, ce que je veux vous présenter, c'est une formation canadienne qui vient de Windsor, en Ontario, qui porte le nom de The Apex, qui en sont à leur, je dirais, deuxième parution studio. Il s'agit d'un EP qui porte le nom de Underbelly. C'est paru en septembre. La date précise, je ne suis pas certain. Je devrais vérifier le communiqué que mon ami John Asher m'a envoyé lorsqu'il m'a fait parvenir l'album. J'ai oublié de le prendre en note. Je suis désolé. En fait, je m'en fous pas mal. C'est un mini-album de 3 pièces. Que je vais vous présenter en entier, tout de même pour ça. C'est à peine 11 minutes 13 secondes, là. Parce que c'est un style dans les formations canadiennes. Bon, on sait que around the world, il y a énormément de groupes métal qui se forment probablement tous les jours. Beaucoup d'appelés, très peu d'élus. Et dans le métal canadien, il y a beaucoup de choses qui paraissent aussi. Mais comme en général, je dois dire que le métal est un marché qui tente légèrement d'être saturé par moment, par vague, comme peut-être actuellement, les choses qui ressortent le plus sont un peu plus rarissimes. Et The Apex, en ce qui me concerne, bien sûr, c'est toujours subjectif, mais je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, j'ai le jugement ultime, donc prenez pour acquis ce que je vous dis. Foutaise. C'est une formation qui se démarque énormément. Évidemment, faut aimer le genre à la Meshuga, soit le djent, parce que je trouve que dans les groupes canadiens metal, s'il y a une formation qui se rapproche beaucoup de Meshuga, formation que j'aime énormément, c'est bien les Apex. Donc, sans plus attendre, chers petits amis, nous allons entrer dans ce monde des Apex avec 3 pièces tirées, les 3 pièces de ce mini-album EP Underbelly qui est paru il y a quelques jours à peine, je crois, de façon indépendante. Let's go! We'll be right back. Yeah! Apex. Formation canadienne, plus précisément le Windsor en Ontario. Et leur deuxième parution studio, soit Underbelly, qui est paru récemment. Malheureusement, je ne peux pas trouver la date précise de l'apparition de ce nouveau EP, qui est paru de façon indépendante. On vient d'entendre les trois pièces qui constituaient ce mini-album, soit à l'instant Paid in Exposure, la pièce titre Underbelly, et en ouverture Scrubs and Sheep. Moi, j'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont fait. Faut aimer le style consonance djent, bien entendu. Faut être des amateurs de Meshuggah, de cette musique assez éclatée. Mais quoi qu'il en soit, personnellement, je dois dire que j'ai découvert cette formation avec beaucoup d'intérêt. Et j'espère vivement que The Apex vont sortir un album studio complet incessamment ou relativement dans un avenir rapproché, parce que je suis fort curieux de continuer à découvrir cette formation-là. Oui, ça reste original d'une certaine façon. Ils n'ont pas inventé ce genre de métal-là, mais ils se démarquent beaucoup, principalement au niveau de la scène canadienne métal. Ce soir, j'aurai une chronique cinéma pour vous, série télévisée aussi. J'aurai une micro-chronique musicale et toutes sortes de niaiseries du genre. Je parlais de Meshuggah. N'oublions pas que cette formation qui m'est très chère sortira le nouvel album de Violent Sleep of Reason ce 7 octobre prochain sur Nuclear Blast. Donc, j'ai vraiment hâte d'entendre ça. Ça risque d'être fort intéressant pour les amateurs du genre dont je suis. Je disais tout à l'heure que grâce à notre ami DJ Tower of Death de l'émission Subversion, j'ai connu une formation, je dis une formation, c'est un one-man band du nom de Mathieu Germain qui s'appelle Solid Silver, qui vient de Montréal et qui donne dans un métal, oui, à tendance gothique quelque peu, mais surtout horreur. Et c'est connu, je déteste tout ce qui est horreur. Ça me fait vraiment peur. Oh non, pas encore des bébites. Non, effectivement, j'aime beaucoup, je me complais là-dedans. Et j'aime beaucoup l'ambiance qui se dégage de cette... Comment pourrais-je dire? Instrumentationniste? Ça se dit-tu? Je sais pas. Peu importe. De ce one-man band qui est Solid Silver. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai entendu, Subversion. J'ai communiqué avec DJ Tower of Death et j'ai été capable d'avoir en fait au moins une pièce qui porte le titre de Virgin Vampire. Donc on va se taper ça à l'instant, mais avant, allons écouter la pièce titre de ce nouveau EP, le deuxième en carrière de la formation américaine Skeleton Witch, soit The Apothic Gloom. La pièce étant évidemment The Apothic Gloom. Mini-album qui est paru il y a déjà quelques semaines, soit le 19 août dernier, mais bon, je n'étais pas encore revenu à l'émission, donc je peux pas le passer, mais je vais le faire. Donc The Apothic Gloom qui contient quatre pièces. Sous étiquette Prosthetic Record. J'ai trouvé ça assez intéressant. Je suis pas un fan invétéré de Skeleton Witch. Je les ai vus en spectacle une fois. C'était très correct. Ils ont fait des bonnes choses, mais je trouve que ce EP-là m'en demande vraiment d'y apporter un intérêt. Donc, on va aller écouter ça à l'instant. Skeleton Witch, let's go!

c'est fou. 89.1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Vous êtes qui vous vous assumez? Le Mathieu Planchot aussi. Retrouvez la chronique télévisuelle Television Television, le blog Science et Technologie Merci Science, le segment Geek CNX, C'est un fait Tech Edition et d'un gamer à un autre avec Samuel Girard. L'émission de la fierté geek, c'est le Mathieu Planchot avec Mathieu Plante, les mercredis de 15h à 17h. De la radio CIFU 89.1 FM, la microbrasserie Le Trou du Diable de Shawinigan propose des visites de brasserie pour seulement 5 $. Tu es curieux de savoir comment ça se brasse? Pour savoir d'où ça brasse et comment ça se brasse, visite letroududiable.com. Au Trou du Diable, on élève la bière, on cultive de la levure et on produit de la culture. Avec Tania Baudin, une heure complète à discuter sport automobile, voitures routières, pour des entrevues et le suivi de différentes séries de courses. C'est les mercredis 14h à l'antenne de C'est Fou 89.1 FM. À l'Université du Québec à Trois-Rivières, il est toujours temps de s'inscrire. Un vaste choix de programmes et de cours est encore ouvert à l'admission dans des domaines variés comme marketing, comptabilité, traduction et plusieurs autres. Vous cherchez des cours en ligne? L'Université du Québec à Trois-Rivières vous en propose près d'une centaine dans divers domaines, dont l'éducation et la biologie médicale. Pour déposer votre demande d'admission dès aujourd'hui ou pour plus de détails, visitez uqtr.ca/toujours-temps ou contactez l'équipe du recrutement étudiant à info@uqtr.ca. Vous êtes assez fou pour l'écouter. Pour l'écouter. 89.1. h04, vous êtes toujours à l'écoute de réanimation des Undead Incorporated Show sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. Avant cette pause publicitaire, j'ai laissé l'impression lors de la présentation des deux dernières pièces qu'on commençait avec Skeleton Witch alors que c'était absolument faux. C'était Solid Silver. Mais Skeleton Witch, c'est ce qu'on a entendu avant la pause publicitaire. C'est la pièce titre de ce nouveau EP mini-album des Apothec Gloom qui est paru le 19 août dernier sous étiquette Prosthetic. Ben, moi, je trouve ça intéressant. J'ai trouvé ça intéressant du début à la fin, quoique il n'y a pas 36 pièces, on s'entend. Je l'ai dit d'emblée tout à l'heure, je suis pas un fans invétéré, je suis pas un grand fans de Skeleton Witch. Je trouve qu'ils ont fait de bonnes choses, mais pour une formation américaine, je trouve qu'ils ont tendance à sonner un petit peu trop dans la mouvance européenne qui souvent est une sonorité qui m'accroche un petit peu moins. Mais quoi qu'il en soit, c'était très bien. Juste avant, effectivement, nous avions Solid Silver, qui est un projet solo de Mathieu Germain, montréalais, avec la pièce de Virgin Vampire. J'ai pas beaucoup de détails sur son projet. J'ai fait quelques recherches, j'ai pas trouvé énormément de choses. Mais ce que je peux vous dire, c'est que j'aime énormément l'ambiance qui s'en dégage. Il y a beaucoup de travail dans ce qu'il a fait. C'est bien fait. C'est pas une performance musicale et ça ne doit pas l'être non plus. C'est simplement quelqu'un qui a traduit un excellent feeling musical au niveau du métal horreur, bien fait. Donc, The Virgin Vampire. Je vais essayer de me procurer autre truc de ce qu'il a fait pour éventuellement pouvoir vous en présenter d'autres. Donc, c'était Solid Silver. La semaine prochaine, je vous propose la présentation de deux trucs réanimation. La première étant, parce que c'est la dernière émission du mois, l'album marquant. Et ce mois-ci, il s'adresse à Meshuga. Eh oui, j'ai de la suite dans les idées, n'est-ce pas? J'en ai parlé tout à l'heure, mais c'était pas prévu. Ben oui, c'était prévu. Bien sûr que c'était prévu. L'album Nothing, qui est paru en 2002, qui pour moi est un album très significatif de la scène métal du début des années 2000. qui a amené une dimension à mon humble avis qui a été qui a repoussé certaines limites. Un de mes préférés d'ailleurs de Meshuggah. Donc je vous présenterai ça, ben, pas dans son entier, mais comme je le fais habituellement, ce qui pourrait correspondre à une face entière. Et aussi formation italienne que j'ai découvert pas plus tard que la semaine dernière en faisant mes recherches pour être capable de vous plaire à cette édition de réanimation. Ça a l'air bien dit, là, mais dans le fond, c'est absolument pas vrai. Parce que vous plaire, c'est la dernière des choses que je veux. Au contraire, si je suis capable de vous rendre les mardis soirs un petit peu plus pénibles, ça va me faire grand plaisir de le faire. Baphomet's Blood, qui est une formation italienne, comme je le disais, qui vient de San Benedetto del Tronto. Géographiquement parlant, demandez-moi pas si où exactement. Je peux vous dire que c'est en Italie, mais ça s'arrête là. C'est une formation qui existe depuis 2003, qui donne dans un speed trash metal, et c'est le cas de dire, c'est très old school. C'est un quatuor dont la bassiste est une dame, une fille. J'ai aucune idée. Il n'y a pas de détails sur ce membre-là. Je peux pas dire. J'en ai aucune idée. C'est leur quatrième album studio complet qui porte le nom de In Satan We Trust, et j'ai été agréablement surpris de découvrir ça. C'est vraiment bien. Donc, je vous en parle plus spécifiquement la semaine prochaine. Côté cinéma, actuellement en salle, si vous voulez voir la suite, oui, c'est la suite du Blair Witch Project qui porte de façon originale le titre de Blair Witch. C'est une blague. C'est pas original du tout. Mais bon. Qui est un film de Adam Wingard que je ne connais pas et qui met en vedette des gens tels que Brandon Scott, Callie Hernandez et Valerie Curie, que je ne connais encore pas du tout. Donc, c'est la suite, effectivement. Ça semble se vouloir la suite du Blair Witch Project. Et non pas le 2, là, avec le Necronomicon, qui était un film qui avait été tourné pour la télévision, pratiquement pour Cinequiz en après-midi, là. Ah non, ça n'a aucun rapport, c'était vraiment très mauvais. Quoique j'ai pas aimé le premier non plus, Blair Witch Project, mais c'était de loin supérieur. C'est en salle actuellement. Je ferai pas de détour pour aller le voir précisément, mais je tomberai bien dessus à un certain moment donné pour vous en parler. Un autre film qui est en salle actuellement et qui, lui, m'a grandement plu, c'est la dernière production de Rob Zombie qui porte le nom de 31, qui est un film, bien entendu, d'horreur, parce que jusqu'à présent, Rob Zombie n'a fait que des films d'horreur. Quoique, il voulait s'attarder à quelque chose qui était mis sur la glace, qui était un drame. Bref, c'est à suivre s'il va le faire. Bref, 31, c'est ça raconte l'histoire du 30 octobre 1975. Il y a 5 personnes qui sont choisies au hasard et qui sont enlevées littéralement et retenues en otage dans un endroit appelé le monde du crime. Et durant la nuit d'Halloween, ils vont devoir survivre et se battre à un jeu très violent et sadique, qui est mené par un homme et deux femmes qui s'habillent comme les dandys de la Renaissance, qui, entre autres, est joué par Malcolm McDowell, et qui mettent en vedette aussi, bien entendu, vous l'aurez deviné, Sherry Moon Zombie, la tendre moitié de Rob, qui ne fait aucun film sans avoir Sherry Moon. Donc, comme je le disais, donc raconte des gens qui sont kidnappés et qui se réveillent dans un endroit à connotation industrielle, désaffecté, et doivent survivre à diverses assassins sadiques qui sont mandatés par les instigateurs du jeu, 31. Après ma barre, ça a l'air d'être un film de slasher. Oui, il y en a, mais beaucoup moins que j'aurais cru de la part de Rob Zombie. C'est un film qui joue un peu plus en finesse et qui joue beaucoup sur le suspense. J'ai beaucoup aimé. C'est bien tourné. En fait, même le générique du début est génial. C'est vraiment bien joué aussi. Et tout le long, ça nous tient en haleine. Donc, 31 de Rob Zombie, c'est un film qui rachète grandement son avant-dernière production de Lords of Salem, qui avait été d'un ennui mortel. Mais celui-là, c'est vraiment bien. Autre truc, je peux vous dire que la deuxième saison de Narcos, qui est une série à connotation policière et biopic, qui met en vedette l'excellent Wagner Moura dans le rôle nul autre que de le baron de la drogue, qui n'est plus aujourd'hui, Pablo Escobar. C'est la suite de la première saison qui ne part pas nécessairement de... Ça ne raconte pas la vie en entier de Pablo Escobar, mais vraiment son implication dans ce cartel Medellin et de son fulgurant succès dans la distribution de narcotiques, principalement de la cocaïne. Et la deuxième, qui était première saison qui était vraiment très, très bien. Et la deuxième saison, selon moi, est encore meilleure. C'est une production de Netflix. Ça vaut vraiment la peine d'être vu. C'est excessivement bien fait. C'est bien joué, bien acté, si vous préférez. Et comme je le disais, Wagner Moura, dans le rôle de Pablo Escobar, est absolument sensationnel. Bref, cette deuxième saison est vraiment très, très, très bonne. Je ne sais pas, je me rappelle plus si je vous ai parlé du film Moonwalkers la semaine dernière. Je n'en ai aucune idée. Bref, si c'est le cas, je vais radoter. Si ce n'est pas le cas, ben je vais vous l'apprendre. Ou peut-être, vous le rappelez. Un film d'action à connotation comédie qui met en vedette Ron Perlman. Oui, c'est effectivement le Ron Perlman de Sons of Anarchy, entre autres. Et Rupert Grint, qui est, lui, une des vedettes de... Je vous laisse deviner. Harry Potter. Ben oui, c'est Ron. Il est très bon, d'ailleurs, ce Rupert Grint là-dedans. Aussi bon que Ron Perlman peut l'être, effectivement, qui est très, très bon acteur. Et qui part... c'est une action qui se passe en 69, alors que Rupert Grint, qui joue le rôle d'un agent musical pour un groupe qui sont de parfaits paumés et qui leur promet toujours une signature importante avec une maison de disques, échoue lamentablement. Il s'est endetté auprès d'un Shylock pour être capable de mousser la publicité du groupe et les faire progresser. Il est plein de bonne volonté, mais malheureusement, il prend pas les bonnes décisions, il n'a pas les bonnes méthodes non plus. Et il est mêlé, malgré lui, de façon assez, je dirais... ben, plus ou moins prévisible, mais drôle, à un agent de la CIA qui est Tom Kidman, qui est évidemment joué par Perlman, et ils devront faire toutes sortes de choses qui sont plus invraisemblables les unes que les autres. Donc c'est très drôle, c'est très bon Moonwalkers. La reconstitution des années fin des années 60, là, l'année de l'amour, c'est vraiment bien. Il y a des personnages qui sont complètement déphasés là-dedans, qui sont très colorés, c'est vraiment bien. Je vous conseille Moonwalkers, un film de comédie et d'action, et parfois sanglante, je dois le dire, effectivement. Truc que j'ai écouté, des Hollow, un film d'horreur de Corin Hardy. C'est un autre film d'horreur qui va passer inaperçu parmi tellement d'autres. Et pour cause, des Hollow, c'est très moyen, voire très ennuyant. Donc, je n'ai pas à dire autre chose que des Hollow. Si vous n'avez rien à faire, trouvez-vous quand même autre chose. Film que j'ai trouvé intéressant, assez bien fait, assez captivant aussi, qui met en vedette Mel Gibson, oui, le Mel Gibson, qu'on entend un petit peu moins parler. Il est moins sous les projecteurs depuis un certain temps. Il vieillit, Mel, mais je peux vous dire qu'il est encore très en forme avec son film Blood Father, qui est un film d'action thriller et qui raconte un pauvre repenti, un ex-mentor, ex-criminel, ex-assassin, ex-ivrogne, ex-stolar, qui est Mel Gibson, bien entendu, et qui vit une vie surveillée, qui est en fait, d'une certaine libération conditionnelle, si on veut, et qui vit dans un petit parc pourri de maison mobile où il est à toire, et sa fille est disparue, sa fille de 16 ans est disparue, qui vivait avec sa mère, elle a fait une fugue, et il part à la recherche, et finalement, c'est elle qui le contacte, elle s'est foutu les pieds dans la merde royalement, avec des sicarios, les cartels mexicains. Et honnêtement, je m'attendais à voir un film d'action qui était pour être très prévisible et très commun. prévisible, oui, d'une certaine façon, mais comme un non. Et je dois dire que Mel Gibson est très bon dans ce film. Il a vraiment le physique de l'emploi pour jouer le rôle de John Link. Donc, Bloodfather, c'est un film que je vous conseille de voir si vous aimez les films à connotation criminelle, action et, je dirais, assez d'interlope. Voilà, ceci étant dit, nous allons poursuivre musicalement cette fois-ci avec un bon vieux petit bloc traditionnel de death metal dans lequel on va entendre entre autres les formations Nile, Immolation, Decide. Mais tout de suite, allons-y avec l'excellente pièce d'ouverture de leur album Skeletal Domain. Il s'agit de Cannibal Corpse, High Velocity Impact Spatter. Go! We'll be right back. De Trois-Rivières en blues, C'est fou 89.1 FM est heureux de diffuser les spectacles gratuits de la scène située sur la rue Badeau au centre-ville de Trois-Rivières les 20 et 21 août prochains. Les animateurs de Très Blues à C'est fou, Steven Hubert et Denis Baudin, seront aussi sur place afin de rencontrer les artistes et les amateurs de blues. Soyez des nôtres via notre antenne ou directement à la scène Badeau afin de vivre des spectacles de blues en direct. Une collaboration de Trois-Rivières en blues, Très Blues à C'est fou et C'est fou 89.1 FM. Sur le campus, ce qui se passe à Trois-Rivières, nos journalistes vous le partagent avec passion. Zone Campus, le journal étudiant qui vous tient au courant. Retrouvez-le dans chaque pavillon de l'université ainsi que plusieurs commerces du centre-ville. C'est fou! C'est fou. Thank you. 20h37 et vous êtes toujours à l'écoute de réanimation des Undead Incorporated Show pour encore bof 24 minutes, non même 23. On vient d'entendre à l'instant la formation américaine Nile, une pièce tirée de l'album de 2012, soit At the Gates of a Sethu, soit The Inevitable Degradation of Flesh, sous étiquette Nuclear Blast. C'est très bon, Nile, cet album-là aussi, il est très bon. Justement, nous avions Immolation. Dans les faits, c'était un bloc de formation américaine death metal. Immolation et la pièce Keep the Silence est tirée de leur dernier album Kingdom of Conspiracy, paru en 2013 sur Nuclear Blast. J'imagine qu'ils sont en train de nous en préparer un autre. Decide, une pièce que je dédiais à ma tendre moitié qui est une fan de Decide, soit Savior. C'est tiré de l'album To Hell with God, qui est paru en 2011 sur Century Media. Et nous avons ouvert avec Cannibal Corpse et High Velocity Impact Spatter, pièce d'ouverture pour l'album A Skeletal Domain, qui est paru en 2014 sur Metal Blade. Un très bon album de Cannibal Corpse, faut-il le dire? Je l'ai dit de toute manière. Cette semaine, rock classique, ici même à Cifou, 89.1 FM, dès 11h. Eh bien, je serai cette semaine à rock classique, contrairement à la semaine dernière. Donc, en compagnie de mon ami le Rockmaster, nous allons vous présenter un spécial cette semaine qui traitera des déréglisses et de la choucroute. Non, évidemment pas. Nous allons traiter de musique, bien entendu, de rock et de métal. Et ce spécial s'adresse à ce qui est pour nous respectivement, c'est-à-dire Alain et moi, nos meilleures voix du rock et du métal, nos meilleurs chanteurs, best voices, si vous préférez. Donc, évidemment, on a dû faire énormément de sacrifices, lui et moi, chacun de notre côté, parce que c'était très dur à choisir, compte tenu qu'on a une émission de 6 heures et que Alain m'a contacté aujourd'hui pour me dire « Regarde, jusqu'à présent, on en a au moins pour 7 heures. On va peut-être faire une deuxième partie la semaine d'après. C'est à voir. Mais cette semaine, dès 11h, rock classique pour les vrais amateurs de vrai rock, en compagnie du Rockmaster et de moi-même, votre humble serviteur, Dr. Pain Pan Dragon. » Sur les ondes de Cifou 89.1 FM. Vous devriez aussi écouter, si vous êtes amateur de rock et de métal, en plus de rock classique, de réanimation, bien entendu, Subversion de notre ami DJ Tower of Death, c'est le vendredi à 18h30 sur les ondes de Underground Québec. Vous pourrez revoir les podcasts aussi et généralement le soir même sur SoundCloud. Donc, bonne émission de métal, tendance humoristique par moment aussi. Je pense que Tower a certains problèmes de personnalité, il se parle, ou il s'est créé des personnages dans sa tête, je sais pas, mais c'est très drôle. dans le fond, je suis un peu comme ça aussi, c'est moins drôle. Bon, OK. Dernière présentation de nouveautés de la soirée, c'est une formation qui se dit internationale, Brésil, Pays-Bas, américaine, formation de death metal qui porte le nom de Warfather. C'est leur deuxième album paru en 2 ans, soit The Grey Eminence, qui est paru sous Grey Ace Record. Je peux connais pas l'étiquette, c'est peut-être à eux, je sais pas. Mais quoi qu'il en soit, c'est paru le 16 septembre dernier, soit vendredi dernier, et ça met en vedette, entre autres, justement, on parlait de voix métal qu'on préfère. Moi, c'en est une que j'aime beaucoup, soit celle de Steve Tucker, ex-Morbid Angel, qui est redevenu Morbid Angel, semble-t-il. Donc, Steve Tucker, qui est aux côtés de... Je pourrais pas vous dire, et je les connais pas vraiment, mais il y en a un qui est un guitariste qui parle, Felipe Augusto, qui joue aussi avec Discordia, groupe que je connais moins. Tant qu'aux autres, ce sont des musiciens qui sont directement associés à Warfather, sans autre projet... inscrit. Donc, ce nouvel album qui est, comme je l'ai dit, du death metal, moi, ça m'a bien plu. En fait, j'ai trouvé ça vraiment intéressant comme album. Faut aimer le genre. et je l'aime, le genre. Donc, j'aime beaucoup la voix de Steve Tucker. Donc, ça m'a aidé vraiment à embarquer rapidement dans l'album. C'est un bon album. C'est un album qui, quand même, je dois dire, a une durée de 51 minutes 30, ce qui est pas rien. Donc, vous en avez pour votre argent. Et je vous propose d'en écouter deux titres qui sont à l'instant, soit For Glory of Infamy et Headless Servant. Warfather, go! useless. Get the glory of your greatness. No man with this to challenge. Your soul is worthy of your time. Your words are fit for sermons. Your service will your words become. No man with this to challenge. Your soul is worthy. Can you find? Yeah. Formation américaine Warfather et l'excellent, des extraits de l'excellent nouvel album paru vendredi dernier, soit le 16 septembre, de Grey Eminence, paru sur Grey Haze, disquette que je ne connais pas. On vient d'entendre à l'instant Headless Servant, c'était précédé de For Glory of Infamy, quand même, je dirais, pratiquement 53 minutes de musique cet album, donc c'est amplement pour votre argent. Je recommande énormément. Facile de reconnaître le vocal de Steve Tucker dessus. Vocal très puissant qui meuble très bien ce style de death metal. Je vais vous laisser avec une dernière pièce. Comme j'ai de la suite dans les idées, eh bien le Morbid Angel, la période est effectivement encore de Steve Tucker. Soit une pièce tirée de Gateways to Annihilation de 2000, soit Summoning Redemption. Je vous incite à rester assez fou. Parce que, c'est quoi le nom de votre émission? Comment? Matière noire encore? Ben oui, avec une nouvelle formule, Matière noire est de retour ce soir. Soyez des nôtres ce vendredi pour Rock Classic. Et n'oubliez pas, bien entendu, de tous vous faire foutre. Ciao, see you! Light of dawn is glowing, illumination. Shadow empty and running through. No way.